Chapitre 3e. Le secret scellé. L'air doux et frais qui, dès qu'elle fut dans le jardin, vint caresser le front et les joues de Sarah, parut calmer bientôt son agitation. Elle s'engagea dans une allée latérale qui conduisait sur une terrasse, et d'où l'on avait vu sur la chapelle d'un village voisin. Le crépuscule du matin commençait à éclairer le paysage. Les clartés voilées que la brume jaunit un peu avant le lever du soleil montaient, paisibles et charmantes, dans le ciel oriental, derrière un long profil noirâtre de terre marécageuse. La vieille église, enveloppée de son cimetière que bordait une haie de myrte et de fuchsia, luxuriant comme ils sont dans le pays de Cornouailles, s'éclairait presque aussi vite que le ciel lui-même, ce ciel matinal, dont elle reflétait les splendeurs. Sarah, s'accoudant au dos d'un siège rustique, restait en contemplation devant cette église. De l'édifice lui-même, ses regards se portaient sur l'étroit cimetière, s'y arrêtaient longuement et suivaient les progrès de la lumière graduellement réchauffée qui baignait ce dernier asile où les morts reposent en paix. « Oh, disait-elle, mon cœur, mon pauvre cœur, de quoi donc est-il fait pour exister encore ?» Elle demeura quelque temps absorbée dans sa contemplation douloureuse et méditant les paroles qu'elle avait entendues adresser à l'enfant par le capitaine Treverton. Elle semblait se rattacher, comme tout s'y rattachait au reste, dans son esprit fortement préoccupé, à la lettre écrite sur le lit de mort de Mrs. Treverton. Elle la retira de son sein une fois encore, et par un geste irrité, la froissa dans ses mains. « Je la tiens encore. Mes yeux seuls l'ont vue, » disait-elle, regardant ce papier maintenant informe. « Est-ce ma faute, après tout ? Si elle vivait, elle, si elle avait vu ce que j'ai vu, entendu ce que j'ai entendu, me demanderait-elle encore de remettre la lettre à son malheureux mari ?» La pensée qu'elle venait d'exprimer ainsi parut rendre quelque calme à son âme. Elle s'éloigna pensive du banc qui lui avait servi d'appui, traversa la terrasse, descendit quelques marches de bois, et par un sentier bordé d'arbustes qui tournait autour du manoir, de la façade orientale revint à celle du nord. Depuis plus d'un demi-siècle, cette portion des bâtiments, tout à fait abandonnée, n'avait pas été remise en état. Le père du capitaine avait même dépouillé de leurs plus beaux tableaux et de leurs meilleurs meubles toutes les pièces du nord, pour faciliter et enrichir la décoration de l'aile occidentale, la seule qu'on habitât, dont les vastes appartements suffisaient et de reste, soit à loger la famille, soit à lui permettre d'exercer largement les devoirs de l'hospitalité. La maison, fortifiée autrefois, avait dans l'origine la forme d'un quadrangle. De ces anciennes fortifications, une seule survivait encore, une tour basse et massive qui partageait avec le village voisin l'honneur d'avoir donné son nom à la résidence seigneuriale, nommée Porthgenna Tower. Elle était située à l'extrémité sud de la façade occidentale. L'aile du midi consistait elle-même en écurie et en commun, devant lesquelles se dressait une muraille en ruine, laquelle, remontant du côté de l'est, allait rejoindre à l'angle droit le pavillon du nord et complétait ainsi le carré parfait dessiné par l'ensemble des bâtiments. L'extérieur de ce dernier pavillon, vu des jardins déserts et buissonneux sur lesquels il donnait, prouvait assez clairement qu'il n'avait pas reçu d'habitants depuis bon nombre d'années. Les vitres, en quelques endroits, étaient descellées ou brisées, en d'autres, enveloppées d'une espèce de boue invétérée, que les pluies et la poussière y avaient successivement épaissi. Ici, les volets étaient clos, ailleurs, ouverts admis sur leurs gonds rouillés. Le lierre non émondé, les végétations moussues s'échappant des fissures de la pierre, les toiles d'araignées disposées en longs festons, l'amoncellement des rebuts de toutes sortes, fer, briques, plâtre, verre brisé, guenilles, débris de toiles immondes, au-dessous des fenêtres, compliquait encore ce poème d'abandon et de ruine. Toujours abrité du soleil, ce côté du manoir conservait un aspect sombre et froid, qui sentait l'hiver, même en cette belle matinée d'août, tout ensoleillée, par laquelle Sarah Leeson errait dans cette portion des jardins toujours déserte. Perdue dans le labyrinthe de ses propres pensées, elle longeait les plates-bandes depuis longtemps défoncées et les allées envahies par les herbes parasites. Ses regards glissaient machinalement d'un objet à l'autre, ses pieds la portaient machinalement sur ce qui restait des traces d'anciens sentiers, sans qu'elle sût où elle allait ainsi. La brusque révolution qui s'était faite en elle au moment où, dans la nurserie, elle avait entendu les paroles du capitaine, poussait son esprit aux résolutions extrêmes et lui en donnait le courage désespéré. Son pas se ralentissait à mesure qu'elle s'absorbait de plus en plus dans son rêve, et elle finit par s'arrêter à son insu sur un terrain dépouillé, qui jadis avait été une éclaircie soigneusement ménagée entre deux bosquets. De là, l'œil embrassait la longue rangée des appartements ouverts au nord. En quoi, pourtant, suis-je obligée à mettre ce papier entre les mains de monsieur ? Se disait-elle, lissant et relissant entre ses doigts distraits la lettre froissée. Madame est morte, sans m'avoir fait jurer ceci. Pourvu que je tienne strictement les promesses jurées, comment pourrait-elle venir me tourmenter ? Qu'ai-je besoin de faire plus ? Et ne puis-je risquer ce qui peut m'arriver de pire ? Pourvu que j'ai rempli les obligations que m'impose la parole donnée, la main sur la Bible. Ainsi se raisonnait-elle, sans oser davantage, car en plein air, au grand jour, ses craintes superstitieuses la dominaient encore, comme la nuit, dans sa chambre, elle l'avait dominée. Elle s'arrêta donc en ses déductions, et continua à défriper, à lisser la lettre, elle se remettait en mémoire les termes de l'engagement solennel que Mrs. Treverton avait exigé d'elle. En quoi consistait cet engagement ? Elle avait promis de ne pas détruire la lettre, promis de ne pas l'emporter avec elle si elle venait à quitter la maison. En outre, elle ne pouvait se dissimuler le vœu formé par Mrs. Treverton que ce document fût remis à son époux. Mais ce vœu obligeait-il la personne qui en était dépositaire ? Oui, certes, à certains degrés. L'obligeait-il comme eût fait un serment prêté par celle-ci ? Non, à coup sûr. Arrivée à cette conclusion, Sarah leva les yeux. Ils s'arrêtèrent tout naturellement sur cette façade abandonnée que nous avons décrite. Peu à peu, ils furent comme attirés par l'une des fenêtres, celle du milieu, à l'étage inférieur, plus grande que les autres, et d'un aspect plus sévère. Tout à coup, ils s'animèrent. Un éclair y passa qui exprimait une idée. Elle frémit. Une rougeur légère lui monta aux joues, et elle s'avança d'un pas vif vers les murs du vieux bâtiment. Les vitres de la grande fenêtre, jaunies par la poussière et l'humidité, étaient irrégulièrement encadrées par les toiles d'araignées. Au-dessous, et sur un petit tertre qui avait jadis supporté quelques massifs de fleurs ou d'arbrisseaux, un monceau de plâtras et de débris divers s'était graduellement accumulé. Une bordure irrégulière de mauvaises herbes et de plantes parasites dessinait encore la forme oblongue de l'ancienne plate-bande. D'une allure encore irrésolue, Sarah Leeson en fit le tour. À chaque pas, regardant la fenêtre sous laquelle, parvenue enfin, elle s'arrêta. Puis, jetant un rapide coup d'œil sur la lettre qu'elle tenait à la main, « Je risque l'aventure », se dit-elle enfin d'un ton bref. Ces mots étaient à peine tombés de ses lèvres, que, regagnant la partie habitée du vieux manoir, elle suivit le corridor souterrain qui menait à l'appartement de la femme de charge, y entra résolument et décrocha un paquet de clés pendu à un clou. Ce paquet portait une étiquette d'ivoire sur laquelle étaient écrits ces mots « Clés des appartements du Nord ». Elle posa ses clés sur un bureau proche d'elle, prit une plume, et sur la feuille restée blanche de la lettre écrite par ordre de sa maîtresse, elle ajouta ces lignes. Si jamais ce papier venait à être découvert, ce qui ne sera pas, je le désire de toute mon âme, je veux qu'on sache que je me suis décidé à le cacher parce que je n'ose pas montrer à mon maître l'écrit qu'il renferme, bien que cet écrit lui soit adressé. En agissant ainsi, bien que j'aille à l'encontre du désir suprême de ma maîtresse, je ne romps pas l'engagement solennel que sur son lit de mort elle m'a fait contracter envers elle. Cet engagement m'oblige à ne pas détruire ce papier et à ne le pas emporter si je quitte la maison. Je ne ferai certainement ni l'un ni l'autre, mon dessein étant tout simplement de le cacher dans celui de tous les endroits où j'ai le moins à craindre que jamais il soit retrouvé. Tout inconvénient, tout malheur pouvant résulter de cette fraude, qui est mienne, ne doit retomber que sur moi. D'autres, ma conscience me l'affirme, n'en seront que plus heureux, ignorant à jamais le secret que ce papier était destiné à dévoiler. Elle signa ces lignes de son nom, les passa rapidement dans le buvard qui garnissait le bureau, plia le papier, le prit, et s'emparant du paquet de clés, non sans jeter autour d'elle un regard inquiet, comme si elle redoutait l'œil de quelque espion, elle sortit. Depuis le moment où elle avait franchi le seuil de cette chambre, tous ses actes avaient été soudains et précipités. Elle craignait évidemment de se donner à elle-même le loisir de la réflexion. En quittant l'appartement de la femme de charge, elle prit à gauche, monta un escalier dérobé et ouvrit tout en haut une porte qui lui barrait le passage. Au moment où le battant tourna sur ses gonds, un nuage de poussière flotta autour d'elle. Une fraîcheur sépulcrale la fit frissonner, tandis qu'elle traversait une grande salle dallée où pendaient les toiles, çà et là séparées de leurs cadres vermoulus, de quelques sombres portraits de famille. Quelques marches de plus la conduisirent à une rangée de portes ouvrant toutes dans les chambres situées au premier étage du pavillon nord. Agenouillée devant la quatrième de ces portes, à partir du palier où elle était ainsi parvenue, et après avoir jeté un regard méfiant à travers le trou de la serrure, elle se mit à essayer successivement toutes les clés qu'elle avait apportées, jusqu'au moment où elle trouva celle qui devait ouvrir. Mais ce fut là une opération difficile, tant était grande son agitation. Ses mains tremblaient au point qu'elle pouvait à peine tenir une clé séparée des autres. Elle réussit pourtant à la longue. La poussière lui vint aux yeux, plus épaisse que jamais, au moment où ils purent plonger dans l'intérieur de la chambre abandonnée. Une atmosphère sèche, étouffante, saturée de miasmes vieillis, la suffoquait presque au moment où elle se baissait pour reprendre sa lettre, déposée un moment sur le parquet à côté d'elle. Un instant elle recula et reprit le chemin de l'escalier, mais la résolution lui revint après quelques pas. « Il n'y a plus à s'en dédire, » pensa-t-elle, avec une sorte de désespoir. Et elle entra dans la chambre dont elle venait de s'ouvrir l'accès. Elle n'y demeura pas en tout plus de 2 ou 3 minutes. Quand elle en sortit, sa figure était blême de peur, et la main qui avait tenu la lettre un instant auparavant ne tenait plus maintenant qu'une petite clé rouillée. La porte, une fois refermée, Sarah examina le gros paquet de clés qu'elle avait enlevé de chez la femme de charge, avec plus d'attention qu'elle n'avait fait jusque-là. Outre l'étiquette d'ivoire attachée à l'anneau qui les tenait réunis, d'autres petites étiquettes, celles-ci en parchemin, étaient fixées à quelques-unes d'entre elles, indiquant la chambre dont elle pouvait procurer l'entrée. Celle dont elle venait de se servir avait précisément son étiquette particulière. Sarah déroula le parchemin racorni, le rapprocha du jour et y lut, en caractères effacés par le temps, la chambre Myrte. Donc, à présent, elle avait un nom à elle, cette chambre où le secret devait rester enfoui. Un nom harmonieux, un nom de bon augure, qui devait flatter l'oreille des habitants de cette chambre et hanter agréablement leur mémoire. Un nom qui, par cela même, devenait suspect à Sarah Leeson, après ce qu'elle venait d'accomplir. Aussi prit-elle, dans la poche de son tablier, la petite ménagère, boîte à ouvrage, qui ne la quittait jamais. Et à l'aide des ciseaux qu'elle y trouva, elle détacha l'étiquette de la clé. Suffira-t-il de la détruire? Question que 1000 conjectures sans portée ne l'aidèrent pas à résoudre. Elle finit cependant par séparer aussi toutes les autres étiquettes de même espèce, sans autre motif qu'un vague soupçon et le besoin instinctif de multiplier les précautions. Ramassant avec soin les petits lambeaux de parchemin épars autour d'elle, elle les plaça, tout comme la petite clé rouillée qu'elle avait emportée de la chambre Myrte dans la poche vide de son tablier. Puis, portant toujours à la main le second paquet de clés, et refermant avec soin derrière elle les portes qu'elle avait ouvertes pour pénétrer dans le pavillon nord de Porthgenna Tower, elle regagna l'appartement de la femme de charge, y entra sans y trouver personne, et replaça au clou fixé dans le mur les clés qu'elle y avait prises. La matinée avançait. Sarah pouvait craindre maintenant de se rencontrer avec quelques-unes des filles de service. Aussi s'empressa-t-elle de retourner dans sa chambre. Le flambeau qu'elle y avait laissé brûlait encore, mais ne jetait plus qu'un faible éclat, amorti par les feux de l'aurore. Après l'avoir éteint, lorsqu'elle voulut écarter ses rideaux, un ressentiment de la prestigieuse terreur qu'elle avait éprouvée lui revint, même en face du jour qui, de tous côtés, l'inondait. Elle ouvrit sa croisée et s'y pencha pour aspirer à l'entrée la fraîcheur matinale. À bonne ou mauvaise fin, c'en était fait maintenant. Le secret fatal gisait enfoui dans sa cachette inconnue. C'était là, de premier abord, une pensée qui lui donnait quelque repos. Elle pouvait maintenant, tout à loisir, rassembler ses idées, s'occuper d'elle-même, envisager les incertitudes de son avenir. Rien n'aurait pu l'engager à rester dans sa condition actuelle, maintenant que la mort avait rompu les liens qui la retenaient auprès de son impérieuse maîtresse. Elle savait que Mrs. Treverton, dans les derniers jours de sa maladie, avait très sérieusement recommandé sa femme de chambre aux bontés, à la protection du capitaine. Elle n'avait pas à douter que les prières de sa femme, datées de ses heures suprêmes, ne fussent envisagées, soit à cet égard, soit à tout autre, par cet excellent mari, comme autant d'ordre qu'il tiendrait à l'honneur de ne pas éluder. Mais pouvait-elle accepter les bontés, la protection du maître qu'elle avait d'abord, complice docile, aidée à tromper, et que plus tard, de son chef, elle trompait encore? La seule idée d'une bassesse pareille la révoltait, au point qu'elle trouvait une sorte de soulagement à la triste nécessité où elle se voyait de quitter immédiatement cette maison, qui eût dû être son asile naturel. Et comment la quitter? Fallait-il officiellement donner congé, s'exposant ainsi à des questions qui devaient nécessairement l'effrayer, la confondre? Après ce qu'elle venait de faire, oserait-elle bien affronter la présence de son maître, alors qu'il ne pouvait manquer de l'interroger sur sa maîtresse, alors qu'il voudrait lui arracher, mot par mot, tous les détails de cette terrible scène dont elle avait été l'unique témoin? Quand l'idée nettement définie de ce redoutable examen se fut offerte à son imagination, elle se leva comme poussée par un ressort, décrocha son manteau pendu au mur et se prit à écouter à sa porte en proie à toutes sortes de soupçons et de craintes. Ne venait-elle pas d'entendre des pas dans le corridor? Son maître l'envoyait-il chercher de si bonne heure? Mais non, tout au dehors se taisait. Pendant qu'elle attachait son chapeau, quelques larmes coulèrent le long de ses joues. Cet acte, si simple en lui-même, la plaçait en face de la dernière et de la plus dure conséquence que dut avoir inévitablement pour elle la résolution qu'elle avait prise en cachant le secret qu'il lui était enjoint de divulguer. À ceci, nul remède. Il fallait ou risquer de tout découvrir, ou subir la double épreuve et de quitter Porthgenna Tower, et d'en sortir secrètement. Secrètement, comme un larron furtif. Secrètement, sans un mot à son maître. Sans une pauvre ligne de remerciement pour ses bontés, d'excuses pour une conduite si étrange. Elle avait ouvert son pupitre, d'où elle avait retiré sa bourse, une ou deux lettres, un petit volume des hymnes de Wesley, avant que ces considérations se fussent offertes à son esprit. Elles l'arrêtèrent au moment de refermer le pupitre. « Écrirai-je ? » se demanda-t-elle. « Et laisserai-je ma lettre ici afin qu'on l'y trouve après mon départ ?» Quelques réflexions la décidèrent à prendre ce parti. En aussi peu de temps que sa plume, toujours courant, put en mettre à tracer les lettres dont elles étaient formées, elle écrivit quelques lignes destinées au capitaine Treverton. Elle y avouait l'existence d'un secret dont la révélation avait été mise à la charge de sa conscience et que néanmoins elle avait gardé, ajoutant que, en toute bonne foi, elle ne croyait lui occasionner ni à lui ni à personne de sa famille aucune sorte de mal, en lui taisant ce qu'il lui avait été ordonné de divulguer. Elle terminait en lui demandant pardon de quitter sa maison ainsi, à la dérobée, sans dire où elle allait. et en implorant de lui comme grâce suprême de ne rien faire pour retrouver ses traces. Ce billet cacheté, l'adresse mise, elle le plaça bien en vue sur sa table. De nouveau, elle prêta l'oreille à la porte, et bien assurée que personne encore ne bougeait, elle se mit à descendre, pour la dernière fois, les escaliers de Porthgenna Tower. Parvenue à l'entrée du corridor qui menait à la nurserie, elle fit halte. Les pleurs qu'elle retenait depuis qu'elle avait quitté sa chambre recommencèrent à couler de plus belle. Quelque pressée qu'elle dût être maintenant de partir sans perdre une minute, par une inconséquence vraiment singulière, elle fit quelques pas vers la porte de la nurserie. Mais à ce moment même, un léger bruit venu du bas de la maison frappa son oreille et l'empêcha de faire un pas de plus. Pendant ce moment d'hésitation, le chagrin dont elle était dévorée, chagrin plus âpre que rien dans sa conduite, n'eût pu jusque-là le faire soupçonner, lui arracha tout à coup, montant à ses lèvres, un profond sanglot. Ce bruit involontaire sembla lui rendre, en l'effrayant, le sentiment du danger que lui ferait courir chaque minute de retard. Elle courut vers l'escalier, descendit sans encombre jusqu'au sous-sol, et sortit du manoir par cette même porte, donnant sur les jardins, que le domestique au point du jour avait ouverte pour elle. Une fois hors de l'enclos de Porthgenna Tower, au lieu de prendre à travers la lande le sentier le plus proche menant à la grande route, elle se détourna vers l'église. Mais avant d'y arriver, elle s'arrêta près du puits banal creusé dans le voisinage des huttes habitées par les pêcheurs de Porthgenna. Non sans promener d'abord un regard soupçonneux autour d'elle, elle jeta dans ce puits la petite clé rouillée qu'elle avait emportée de la chambre aux myrtes. Puis elle pressa le pas et pénétra dans l'enceinte du cimetière. Elle se dirigea en ligne droite vers une des tombes, quelque peu séparées des autres. Sur la pierre étaient inscrits ces mots. À la mémoire de Hugh Polwheel, âgé de 26 ans, mort de la chute d'un rocher dans les mines de Porthgenna, le 17 décembre 1823. Après avoir arraché quelques brins de l'herbe qui poussait sur cette fosse obscure, Sarah ouvrit le petit volume des hymnes de Wesley qu'elle avait emporté avec elle en quittant Porthgenna Tower, et parmi les feuillets, avec grand soin, plaça ces menues herbes encore imprégnées de rosée. Tandis qu'elle se livrait à ce pieux travail, le vent rabattit la première page du volume, celle du titre, et au recto de cette page, un œil indiscret eût pu lire, tracé en gros caractères fort peu corrects, ces simples mots « Sarah Leeson ». Ce livre lui était donné par Hugh Polwheel. À sa petite besogne terminée, Sarah retourna dans la direction du sentier qui conduisait à la grande route. Une fois en pleine lande, elle tira de la poche de son tablier les petites étiquettes en parchemin qu'elle avait détachées des clés et les dispersa çà et là sous les bouquets de bruyère. « Partez à jamais. Partez comme moi, » dit-elle ensuite. « Dieu m'excuse et me vienne en aide. Tout, maintenant, est bien fini. » À ces mots, elle tourna le dos à l'antique manoir et à la mer qui, par-delà ses murailles, s'étendait jusqu'aux limites de l'horizon. Elle se dirigeait vers le grand chemin par l'étroit sentier percé à travers la lande marécageuse. 4 heures plus tard, le capitaine Treverton chargea un de ses domestiques d'aller chercher Sarah Leeson pour qu'elle vînt lui rendre un compte exact des derniers moments de sa maîtresse. Le messager revint, tout ébahi et consterné, tenant à la main la lettre que la fugitive avait laissée pour son maître. À peine celui-ci l'avait-il lue, qu'il ordonna des recherches immédiates. Elles étaient facilitées par les singularités d'aspect que nous avons signalées chez Sarah Leeson. Ses cheveux prématurément gris, sa physionomie effarée, ses constants soliloques. Aussi parvint-on à la suivre de loin jusqu'à Truro. Mais dans cette populeuse cité, sa trace fut perdue bien définitivement. Des récompenses furent affichées. Les magistrats du district ne refusèrent pas leur concours. De tout ce que l'argent et l'influence personnelle peuvent obtenir, rien ne fut négligé. Mais la police y perdit ses peines. Aucun indice ne fit soupçonner ce qui avait pu advenir de la fugitive. Aucun n'aida le moins du monde à deviner de quelle nature pouvait être le secret auquel, dans sa lettre, elle faisait allusion. Son maître ne la revit jamais. Jamais il n'entendit parler d'elle à partir du 23 août 1829.